1er septembre 20h et soyez éligible au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de $300 lors de l'émission du dévoilement de la programmation automne-hiver 2017-2018 au Bal du Lézard. Arcade Fire, ça vous dit quelque chose? Du 21 au 30 août, commentez et partagez la publication officielle d'Arcade Fire sur la page Facebook de CKRL et courez la chance de gagner une des 5 paires de billets pour le spectacle d'Arcade Fire le 5 septembre au Centre Vidéotron. Bonsoir les amis amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 Québec et c'est l'émission Terra Incognita avec Bruno et Jean-François jusqu'à minuit ce soir. Et comme je disais à nos amis des illusions auditives, ils nous ont fait une belle introduction par leur émission qui était beaucoup axée sur le prog, surtout dans la dernière demi-heure. Et Bruno m'a averti de ne pas être trop loquace là, ce soir parce qu'il a mis ses blocs assez serrés. Donc c'est une réalisation de Bruno ce soir, c'est son choix musical. Et on débute tout de suite avec le groupe The Watch et leur excellent album Seven qui est paru récemment. On va en entendre une pièce et il y aura aussi dans ce bloc du Nemrod et du Cultivator. Donc, trêve de bavardage et place à la musique.

sans notre immortalité. Et un summum de jouissance.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. CKRL, la radio communautaire de l'année pour une troisième année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. La bande vidéo, les éditions Intervention. Table de quartier, l'engrenage de Saint-Roch, Société d'art et d'histoire de Beauport. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la CQ. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. Ben oui, Bruno m'a joué un petit tour, puis finalement, il a fait des changements dans sa playlist. Donc, ce qu'on a entendu qui a clos ce premier bloc, c'était Phoenix Again de l'album Lookout qui est paru en 2014. On a entendu la pièce Adso d'Amelk. Et c'est un groupe italien. C'était précédé du groupe québécois Maelstrom. On se souvient qu'il avait enregistré ce disque-là dans les années 70, en 76 pour être plus précis, et il n'était jamais paru. Donc, il est paru 40 ans plus tard, l'an dernier, en 2016. Et on avait débuté avec The Watch, l'album Seven qui est paru récemment, la pièce Mask. Et ben, on poursuit en musique avec un autre bon groupe italien, la Bocca della Verità, qui a sorti l'an dernier un bon disque qui s'appelle Ave Mot. On entend la pièce titre. Donc on y va avec Ave Mot du groupe La Bocca della Verità. We'll be right back. from the earthbound dreamer. All we are, we belong to you, to the stars. Send my light song beaming. All we are, we return to you. A billion scattered galaxies to lie beyond the veil, at Astra's timeless mysteries to lift our eyes enchanted way. Arise on in wonder, out at the great who we are. Sensing ancient secrets from afar, timeless mysteries to lift our eyes enchanted. We arise up distance. Shine, stellar brilliance. Life is an instant to the galaxy. I sing the essence, possibility, astral dust and energy. Things. What we became. voice in the dark. A hand outstretched towards a spark. Grasp the form of shame. The circle is grey. Inside a sphere. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Audiolite. Amplificateur pour casque d'écoute, amplificateur de puissance, lecteur CD, table tournante, enceinte multiple d'extérieur ou Wi-Fi Bluetooth, système compact cinéma maison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca. Venez vibrer au rythme de la francophonie à travers le monde du 2 au 4 septembre pour la 4e édition du Mondo Carnaval Culture en fête à Québec. Un voyage autour des cultures et du vivre ensemble. En compagnie des porte-paroles Marco Cagliari, King Abid et le prince de l'humour Boucard Diouf. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Défilé carnavalesque le 2 septembre sur la 3e avenue. Spectacle de musique, danse, marché du monde, exposition, tournoi de soccer et projection. Mondo Carnaval, c'est plus de 600 artistes représentant 40 pays. Programmation complète, mondocarnaval.com. Le vendredi 1er septembre, CKRL dévoile sa programmation 2017-2018. À partir de 17h30, Tania Beaumont reçoit animateurs, chroniqueurs et autres amoureux fous de la radio. Dès 19h, Jean-Sébastien Grondin enflammera le bal avec un spécial Soul Finger en DJ set. Et à 20h, Michel Dubois accueille le groupe Thunder Blues. Assistez gratuitement à la performance au Bal du Lézard ou écoutez en direct au 89.1. On vous donne rendez-vous le 1er septembre. Ben oui, c'est un rendez-vous le 1er septembre au Bal du Lézard et je vous rappelle que CKRL est en campagne de pré-membership. Et qu'est-ce que ça donne d'être membre de CKRL au coût de 25$? Ben c'est une manière de supporter une radio indépendante qui vous donne une programmation différente. Donc, il y a quatre façons d'adhérer. Passez au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30. Téléphonez au 418-640-2575, poste 201. Ou utiliser les services sécurisés PayPal à www.ckrl.ca. Et il y a aussi remplir un coupon de préadhésion sur votre site web et le retourner par la poste. On a terminé ce bloc avec Warbler du dernier album en date qui s'appelle Ritz of Spring, on a entendu, In Orbit. Et incidemment, Warbler va sortir un nouvel album qui s'appelle From Silence to Somewhere. C'est prévu pour le 20 octobre 2017. Ils ont signé avec Charisma Records et c'est un album de 4 titres. On ne sait pas la durée des pièces. Et on poursuit la musique avec les Samurai of Prague, la pièce de Perfect Black sur On We Sail. We'll be right back. ice melts, upsets the sea. Submit, follow me. Walk with me now in the sunlight. Daylight, down with the night. Invincible light, are you back with us now?

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Pour rehausser la beauté de votre maison sans tout rénover, faites peindre. Peinture résidentielle Jacques Dulac pour un travail professionnel et un service courtois. Pour l'intérieur et l'extérieur, votre terrasse, balcon, galerie en fer forgé, votre cabanon et bien plus. Profitez du service de déco-conseil et de l'estimation gratuite dans la région immédiate de Québec. Peinture résidentielle Jacques Dulac, entrepreneur général spécialisé en peinture du bâtiment, licencié RBQ et membre de la Sécu. 88 558 86 58. JacquesDulac.ca. À chacun son style. Venez vibrer au rythme de la francophonie à travers le monde du 2 au 4 septembre pour la 4e édition du Mondo Carnaval Culture en fête à Québec. Un voyage autour des cultures et du vivre ensemble. En compagnie des porte-paroles Marco Cagliari, King Abid et le prince de l'humour Boucard Diouf. Une foule d'activités gratuites pour toute la famille en plein cœur de Limoilou. Défilé carnavalesque le 2 septembre sur la 3e avenue. Spectacle de musique, danse, marché du monde, exposition, tournoi de soccer et projection. Mondo Carnaval, c'est plus de 600 artistes représentant 40 pays. Programmation complète, mondocarnaval.com. Et nous sommes de retour à musique. Et on avait terminé ce deuxième bloc avec Fido de l'album Snow Touch. On a entendu la pièce, en fait, c'est une suite, là, Snow Touch Part 1. Et vous savez que Unreal City sera dans nos murs le dimanche, c'est le 8 octobre prochain. Donc ça se passe au bar Lanti. Et si vous voulez avoir des billets, ben c'est faut communiquer avec Michel Bulledeau à terraincognitamag@hotmail.com et on va entendre. D'ailleurs, il y aura un nouvel album de Unreal City qui va paraître le 10 septembre prochain. Et ça devrait être intéressant, on va vous faire jouer ça. Mais pour l'instant, on va y aller avec leur album qui est paru juste avant, ça fait à peu près 2 ans, ça s'appelle Il Paese. Del Tromato, c'était leur deuxième et c'est très très bon, même meilleur que le premier. Donc on va entendre la pièce Oni Romanza. Bon, mais on a un petit problème avec le disque. Le beau disque à Bruno d'Unreal City. Pourtant, c'est un disque original, donc on va faire une substitution. Et comme je vous disais, Unreal City sera dans nos murs. Et on vous invite à aller voir ça. Ils donnent toujours un spectacle assez important. C'est toujours quelque chose de bien. On les a vus 2 fois lors du festival Terra Incognita. Et ils sont jeunes et très enjoués. On a bien hâte de voir ce spectacle-là au mois d'octobre au Bar Lanti. C'est une place qui est très agréable, comme j'ai déjà mentionné. Le personnel est très courtois. C'est toujours le fun d'aller là et il y a de la bonne bière à épiller qu'on aime bien. Donc, Bruno me fait signe qu'on est prêt avec une autre pièce. Donc, on vous dira le titre après. We'll be right back. occhi nel biancore del riflettere del sole sulle sabbie senza fine. Nel mio sogno illuminato d'improvviso si dischiuse la coscienza dell'eterno. Vidi l'uomo e le stagioni, i suoi giorni, le sue ore, le sue ignobili viltà. Là, nei simboli del tempo, negli archetipi del mondo, il suo viaggio cominciò. Gridava dolore al padre, portava nelle carni la natura della storia, delle quali il ritorno, come i figli ribelli nell'onda dell'inizio, andava e di poi il saggio. c'était Eden Song qu'on a vu aussi lors du festival de 2017. C'était de leur album au titre énigmatique Ears in the Garden of Ears, la pièce Chronos. On avait débuté avec Unreal City. Ben, finalement, c'était la pièce qui était prévue. Donc, ça met fin à l'émission sur Nick Turner de l'album Space Gypsy, qu'on entend en sourdine. C'est la pièce Coming of the Maya. Donc, restez à l'écoute pour l'autoroute qui sera là pour toute la nuit avec Vincent Delisle. Donc, moi, je serai là la semaine prochaine. En fait, on sera là tous les deux, moi et Bruno. Donc, on vous souhaite une bonne semaine et restez à l'écoute de CKRL. Et surtout, n'oubliez pas la campagne de pré-membership de la station. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. À découvrir sur La Fabrique culturelle.